بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار، أحمده بكل أفعال، المقوي الليل على النهار، تبصرة لذي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين وعدو للكفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، دعا لكل شيء وصل إلى الجنة، ونهى عن كل شيء وصل إلى النار. أشهد بأنه قد أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Que le salut d'Allah soit sur notre prophète le véridique, qui nous a informé que la meilleure des choses était l'islam. Dans sa parole, Rasul Amr l'Islam, que la base de toute chose est l'islam. Louange à celui qui a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam et qui nous a informé que cette communauté n'était qu'une et que cette union représentait un corps et que lorsqu'un de ses membres était touché par un mal, Alors tout le corps, tout le reste du corps répondait par la fièvre et l'insomnie. Cette communauté, cette grande nation fut bâtie par le meilleur des hommes, par la meilleure des créatures, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il en bâtit le socle. Puis nous mit en garde qu'après sa mort, cette communauté verra naître beaucoup de troubles et de tentations. Ainsi, il nous recommanda, sallallahu alayhi wa sallam, de nous accrocher à sa sunna et à la sunna des califes bien guidés après lui. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidun al-mahdiyuna min ba'di. Tamassaku biha wa ruddu alayha bin nawajid. Dit-il, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui signifie, celui qui vivra après moi verra certes naître beaucoup de troubles. Alors je vous recommande ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y en y mordant avec vos molaires. En effet, comme nous l'avons vu dans nos épisodes de cette série, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'aborder, intitulé les califes, des califes bien guidés jusqu'au califat du Mahdi, nous avons vu que dès la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les troubles apparurent avec les guerres des apostats qu'avait combattu Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Guerre à la suite desquelles Abu Bakr, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, réussit à réunir et à rassembler de nouveau cette communauté jusqu'à ce qu'il puisse ouvrir d'autres territoires et élargir son champ de propagation. Puis, il confia cette communauté à Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, qui était lui, comme nous l'avons vu, la porte de cette fitna. La porte qui, lorsqu'elle se brisa, laissera l'entrée à d'autres troubles beaucoup plus important. troubles qui ne disparaîtront plus jusqu'au jour de la résurrection. Ainsi, nous avons vu et souligné que les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam étaient les meilleurs que cette terre, que cette communauté ait pu porter. Et qu'ils étaient des hommes qui n'étaient pas infaillibles et dont l'erreur pouvait atteindre. Ainsi, ils avaient de grandes qualités. Mais à certains moments, il leur est arrivé de se tromper. Ainsi, lors de cette histoire du califat, nous verrons que la divergence est apparue. Divergence au sein des compagnons. Divergence en ce qui concernait les actions qu'accomplissaient certains califes. Ce qui ne rendait pas ce calife non valable ou bien illégitime, mais ce qui prouvait plutôt que ces califes-là, qu'ils soient parmi les compagnons de Rasulullah alayhi salatu wassalam, ou bien parmi ceux qui viendront après, étaient avant tout des êtres humains. Des êtres humains qui n'étaient pas infaillibles. Et pour cela, nous devons toujours avoir en tête la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit « N'insultez pas mes compagnons, car par celui qui détient mon âme dans sa main, si l'un d'entre vous viendrait à donner l'équivalent de la montagne de Uhud, il n'atteindrait pas la poignée de ce que eux ont donné, ni même la moitié. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, après avoir pris connaissance de ceci et de la manière dont Uthman ibn Affan, Dhou Nurayn, fut élu au poste de califat, la première chose qu'il fit après son intronisation fut de relever Mughira ibn Shu'ba du gouvernement de Koufa. Et il nomma à sa place Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, en disant que Omar ibn Khattab, avant de mourir, avait recommandé à son successeur d'employer Sa'd et de lui donner un gouvernement. Et en même temps qu'il fit partir Sa'd à Koufa, il envoya Abdallah ibn Mun'im dans le Saïstan, en lui disant: observe la conduite que Omar t'avait donnée et ordonnée de suivre. Ainsi, Uthman ibn Affan radiallahu anhu montrait au peuple qu'il ne voulait pas s'écarter de la voie de Omar ibn Khattab, ni changer les agents et les gouverneurs qu'il avait établis lui-même. Mais après une année, son autorité a commencé à se raffermir. Et de là, il commença par rappeler Sa'd de Koufa et le remplaça par Walid ibn Uqba. Et ensuite, il remplaça les autres agents les uns après les autres. Et ceci, malheureusement, allait se retourner contre Uthman, comme nous le verrons, bi'idhnillahi ta'ala. Et parmi les bons actes et les bonnes mesures que Uthman ibn Affan prit, il y a le fait qu'il éleva toutes les pensions d'un dixième. Omar ibn Khattab, quant à lui, il avait établi comme sunna, comme coutume, ou comme modèle pour les pensions sociales, de faire donner chaque soir du mois de Ramadan à chaque homme un dirham pour sa solde, et de faire égorger pour la rupture du jeûne un chameau, dont il distribuait donc la chair aux pauvres et aux voyageurs. Quant à Uthman, au lieu de donner un dirham par homme, Uthman en donna deux. Et il fit égorger chaque soir deux chameaux. Et au mois de Dhul-Hijjah, cette année-là, Uthman envoya Abdurrahman ibn Auf à la Mecque pour présider le pèlerinage. Et donc, à partir de l'année 25 de l'Hégire, Uthman commença à destituer les anciens agents établis par Omar ibn Khattab. Et ayant été informé que les habitants d'Alexandrie, en Égypte, Misr, s'étaient révoltés, il fit partir pour l'Égypte Amr ibn al-As, qui sous le gouvernement de Othman avait fait la conquête de l'Égypte, comme nous l'avons vu, comme nous l'avions vaguement évoqué. Et donc de là, après l'arrivée de Amr, bifadlillah azzawajal, les habitants de Misr, de l'Égypte et d'Alexandrie se soumirent de nouveau. Et après avoir conquis plusieurs régions, notamment dans la région de l'Afrique, Othman ibn Affan avait assis sa suprématie et son autorité. Et Othman avait pour habitude, quand il était mécontent de quelqu'un, de l'éloigner de son pays et de l'envoyer dans une autre région ou à l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'il disait que rien n'est plus pénible pour un homme que d'être éloigné de sa patrie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit: ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. Et si nous leur avions prescrit: tuez-vous vous-même ou sortez de vos demeures, ils ne l'auraient pas fait, sauf un petit nombre d'entre eux. Et lorsque Othman retira le gouvernement de Koufa à Walid ibn Uqba et qu'il le remplaça par Saïd ibn Abi Waqqas, les habitants de Koufa furent mécontents de cela. Pourquoi ? Parce qu'ils préféraient Walid, qui était un homme de caractère aimable, contrairement à Saïd, qui était réputé pour être quelqu'un d'assez fermé. Et Walid avait été destitué, comme le rapporte Tabari dans cet tarikh, pour avoir, disait-on, consommé de l'alcool, pour avoir consommé le vin. C'est ce qui se disait à son sujet, selon Tabari. Et quand Saïd arriva à Koufa et qu'il a pris possession donc du palais du gouvernement que Walid avait habité, qu'est-ce qu'il a fait, subhanallah, ce qui metta vraiment en colère les habitants? Il a lavé tous les effets du palais. Et le vendredi, il fit également laver le mimbar dans la mosquée, la chaire sur laquelle l'imam prêche son serment. Et ce qui a vraiment blessé les habitants. Walid n'avait pas eu de porte à son palais. Quant à Saïd, il en fit faire construire une. Et de là, il se rendit inaccessible donc au peuple, qui pour toutes ces raisons-là, ont commencé à lui devenir hostile. Et à cette même période, qu'est-ce qui s'est passé? Ou dans ces événements-là, il y a 7 personnes d'entre les principaux habitants de Koufa qui se laissaient aller en commun à des propos malveillants contre Saïd et Othman. Ces hommes n'étaient autres que Malik ibn Harith al-Ashtar de la tribu de Nakha'i, Thabit ibn Qais, Kumail ibn Ziyad, Sa'sa' ibn Suhan, Zayd ibn Suhan, ainsi que Urwa ibn Ja'd et Amr ibn al-Hammaq al-Khuza'i. Saïd, donc, ayant entendu cela, que ces gens-là se réunissaient et commençaient à haranguer le peuple contre lui, et qu'ils se réunissaient en secret pour accomplir leur dessein, tenta d'envoyer un de ses esclaves ou un de ses serviteurs en espion, afin qu'il les espionne et qu'il rapporte des nouvelles de leur conversation secrète. Mais ceux-là qui étaient vigilants le découvrirent et le frappèrent jusqu'à lui faire perdre connaissance. Et à son réveil, le serviteur retourna chez Saïd qui envoya une lettre à Othman, dans laquelle il le prévenait de ce qui est en train de se manigancer. Et Othman fit porter donc les noms des sept sur le yani dans le Chem, en Syrie, et ils firent incorporer sous le commandement d'une armée de Muawiyah. Mais après les avoir reçus, Muawiyah écrivit à Othman en lui disant que ces hommes n'ont ni religion ni caractère. Je ne peux pas les garder auprès de moi. De là, Othman lui répondit de les envoyer à Homs, auprès de Abdurrahman ibn Khalid. Il n'y a que lui qui pouvait les dompter, disait-il. Et donc, c'est ce que fit Muawiyah. Et Abdurrahman, après les avoir installés, attendit un mois avant de leur donner une audience. Et il écrivait à Othman en lui disant: « Celui qui ne peut être gagné par la bonté doit être traité durement. Si tu veux, je les traiterai comme ils le méritent. » Ce à quoi Othman lui répondit: « Fais donc ce que tu veux. » Donc Abdurrahman ibn Khalid les laissa pendant un mois avant de leur accorder une audience. Et ensuite, lorsqu'ils se présentèrent devant lui en costume de voyage, il ne leur proposa pas de s'asseoir. Et ne leur demanda pas non plus si le voyage s'était bien passé, et il les congédia de cette façon-là. Et cette attitude envers eux si dure, cet accueil si dur, les a blessés encore plus. Mais comme ils n'étaient que 7 contre 2000 hommes, ils n'osaient rien dire. Et Abdurrahman les obligea à se présenter comme ça chaque jour devant lui, en restant debout. Et il ne les invita jamais à sa table. Et ne leur donna aucune gratification. Quand ils montaient à cheval, il les faisait marcher devant lui, à pied, comme des serviteurs. Et cette situation était d'une extrême humiliation pour eux. Et donc un jour, lorsqu'ils étaient en train de discuter entre eux dans leur maison, ils se dirent, donc les uns les autres: cet homme-là nous traite comme des serviteurs et nous laisse toujours debout. Et personne ne pense à nous dire qu'à prendre notre défense. Et donc, les premières plaintes commencèrent. Et également parmi les gens qui firent exiler, se trouvait Amir ibn Abu al-Qais, qui était un homme vertueux de Basra et qui pratiquait le zuhd, l'abstinence, l'ascétisme. Et tous les gouverneurs qui avaient habité à Basra lui avaient donné une pension sans exiger de lui une fonction. Et Amir continue à se livrer à la vie de dévot. Et lorsque Abdullah ibn Amir pris le gouvernement de Basra, il écrivait à Othman à son sujet. Et en lui disant: c'est le chef des Khawarij. C'est le chef des Khawarij, disait-il dans sa lettre. Il suit leurs pratiques. Il pense que l'on ne doit point obéir au gouverneur. Il n'assiste pas à la prière du vendredi. Il ne mange pas de viande. Et il s'abstient du commerce des femmes, d'avoir des rapports avec les femmes. Je ne peux garder cet homme ici. Et donc Othman écrivit, lui répondit en lui disant de l'envoyer, cette personne-là, à Muawiyah. Et en lui disant: on accuse Amir de telle et telle chose, interroge-le, Naam, parce que subhanallah, comme vous l'entendez de nos jours, cette accusation de Khawarij Takfiri est devenue monnaie courante. C'est devenu l'étiquette qu'on colle sur le front de toute personne qui s'oppose à nous, toute personne qui contredit un prétendu islam. Lorsqu'on accuse une personne de telle ou de telle chose, il est nécessaire de l'interroger sur ces accusations-là. Ce que fit Muawiyah, radiallahu anhu. Et donc quand Amir arriva en Syrie, au Sham, Muawiyah alla à sa rencontre, et l'installa dans une belle maison. Un soir, il lui fit partager son repas. Et lorsqu'on apporta de la viande, Amir il fit honneur. Muawiya lui dit alors, « Ya Abu Mohammed, oh, qui était sa kunya, on raconte de toi certaines choses, mais je vois que ce sont des mensonges. Que dit-on de moi ?» demanda Amir. Muawiya de lui répondre, « On dit que tu t'abstiens du commerce des femmes, que tu n'assistes pas à la prière du vendredi, que tu ne manges pas de viande et que tu nies l'obéissance due au gouverneur. » De là, Amir répliqua, « Quant aux femmes, j'en ai une qui suffit à mes désirs. Un jour, je passais près de la boutique d'un boucher et je remarquais qu'il égorgeait une brebis sans prononcer le nom d'Allah, sans prononcer Bismillah. Depuis ce jour, je fais égorger les brebis chez moi. » Ça, c'est ce qui concerne la viande. Quant à la prière du vendredi, j'y vais tard pour être au dernier rang de l'assemblée afin que personne ne me voie si ce n'est Allah. Subhanallah. Regardez comment cette personne-là a dissipé les doutes. En ce qui concerne l'accusation d'être un khariji. Muawiya, ayant fait part de ses explications à Othman, celui-ci lui écrivit, « Dis-lui de retrouver Basra s'il veut. » Et Muawiya donc le dit à Amir qui répliqua, « Je n'y retournerai pas car on m'a calomnié et l'on s'est cru permis envers moi un tel acte. » Et il demeura donc auprès de Muawiya jusqu'à sa mort. Rahimahullah. Suite à cela, naissèrent les prémices de la révolte contre Othman. La première cause des révoltes qui, à partir de cette époque-là, surgirent partout contre l'autorité de Othman fut le bannissement des 7 habitants de Koufa. Ceux-ci, donc, ne pouvant demeurer avec Abdurrahman, demandèrent l'autorisation de le quitter. Et on leur permit d'aller où ils voudraient. Et tous, excepté Malik, qui désirait rester auprès d'Abdurrahman, revinrent à Koufa. Et au commencement de l'an 34 de l'Hégire, Othman appela Saïd ibn al-As à Médine. Il assigna aussi à plusieurs chefs d'armée de Koufa des commandements et les fit partir pour différents postes. Il envoya Ash'ath ibn Qays dans l'Azerbaïdjan, son frère Saïd ibn Qays à Raï, Nusayr de la tribu de Ijl à Hamdan, Saïb ibn al-Aqra à Isfahan, à l'actuel Iran aujourd'hui, Nahawand et Dinwar, Hakim al-Hizami à Mousoul et Salman al-Bahili à Darban. Et donc après le départ de ces généraux-là, il ne resta à Koufa qu'un petit nombre de troupes. Et il y régnait donc une grande fermentation. Et donc les esprits étaient hostiles à Saïd et à Othman. De là, Thabit ibn Qays, l'un des 7 qui avait été exilé à l'époque, avait un frère qui s'appelait Yazid. Et celui-ci, donc après le départ de Saïd, dit « Je veux exciter une émeute contre le gouvernement de Othman » et cesser de reconnaître son autorité de calife. De là, il se rendit à la mosquée de Koufa, et parla ainsi au peuple en leur disant, « Vous savez quelle est la conduite de Othman depuis tant d'années, et comment il a abandonné la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et des 2 califes précédents. » Subhanallah. Et donc après, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons dit dans notre introduction, il nous a indiqué de suivre la sunna des califes bien guidés après lui. Subhanallah. Et celui-ci vient en semant le trouble en disant que Othman a délaissé la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc après avoir dit beaucoup de mal de Othman, Yazid ajouta, comme il a remplacé Walid par Saïd, sans égard pour nos désirs, alors à nous maintenant, à notre tour, nous cesserons maintenant de lui obéir. Et ici, subhanallah, ce que nous pouvons constater, c'est que lorsque les chefs et les leaders incontestables et incontestés s'en vont, alors les troubles apparaissent. Et subhanallah, c'est ce que nous constatons dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Lorsque Moussa alayhi salam délaissa son peuple afin d'aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il laissa derrière lui son frère Haroun, les troubles apparurent. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَمَا أَعَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Allah subhanahu wa ta'ala dit: pourquoi Moïse t'es-tu hâté de quitter ton peuple? Ils sont là sur mes traces, dit Moïse, et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. قَالَ فَ إِنَّ قَدْ فَتَنَّ قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ لَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي. Allah dit: nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ et le Samiri les a égarés. Ainsi Moïse retourna donc vers son peuple, courroucé et chagriné. Et il dit: ô mon peuple, mon Seigneur ne vous a-t-il pas déjà fait une belle promesse? L'alliance a-t-elle donc été trop longue pour vous? Ou avez-vous désiré que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous pour avoir trahi votre engagement envers moi? Subhanallah, regardez. Regardez, subhanallah, comment Moussa a délaissé son peuple, et lorsqu'il revient, derrière lui, qu'est-ce qui se passe? Les troubles. Et subhanallah, le peuple a toujours des arguments pour se défendre. Le peuple a toujours des arguments qui prétendent bons pour justifier la légitimité de leurs troubles et de leurs fitna qu'ils ont laissé apparaître. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Ils dirent: ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de notre gré, de notre volonté que nous avons manqué à notre engagement envers toi. Mais nous fûmes chargés de fardeaux d'ornement du peuple de Pharaon. Subhanallah. Nous les avons donc jetés sur le feu, tout comme le Samiri les a lancés. Yarni, nous, on n'a fait que suivre. On n'a fait que suivre, subhanallah, ce que Samiri avait fait. Samiri, ici, s'est donc érigé en tant que leader. Leader du mal. Tandis qu'un autre leader devait être suivi, qui était Haroun, le frère de Moussa, alayhi salam, leader du bien et de la guider. De là, le leader du mal, As-Samiri, Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَا. Puis il en a fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement, et ils ont dit: c'est votre divinité et la divinité de Moussa, et il l'a oublié. Il l'a donc oublié. Ainsi, subhanallah, comme il a été rapporté dans certaines versions, dans cette explication, c'est qu'il pensait que Moussa alayhi salam avait oublié sa divinité et qu'il était allé la chercher en les laissant derrière eux. Subhanallah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a. Quoi, est-ce qu'ils ne voyaient pas que le veau ne leur rendait aucune parole et qu'ils ne possédaient aucun moyen de leur nuire ni de leur faire du bien? وَلَقَدْ قَالَ لَهُمُ هَارُونَ. Subhanallah, Allah il souligne ici qu'est-ce qu'avait dit pourtant dans cette fitna le leader du bien. وَقَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. Certes, Haroun leur avait bien dit auparavant, ô mon peuple, vous êtes tombés dans la fitna à cause du veau. Or, c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. Et de là, intervient un débat entre les gens, entre les remplaçants, les subordonnés du leadership du bien, c'est-à-dire Haroun, qui était le subordonné de Moussa, mais qui n'était pas incontesté et incontestable. Et donc un débat, une discussion apparaît entre ce parti-là et l'autre parti qui appelle à l'égarement. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Ils dirent, nous continuerons à y être attachés jusqu'à ce que Moussa retourne vers nous. Et vous trouverez ce verset dans Surat Taha. Et donc après ce discours de Yazid, qui représentait ici le leader appelant au mal, intervint Amr ibn Hurayth, qui était le lieutenant de Saïd, et qui lorsqu'il a entendu parler des actions de Yazid, se rendit directement à la mosquée et monta sur le mimbar et commença à haranguer la foule en leur disant, ô musulmans, ne vous jetez pas dans la rébellion. Vous savez qu'il n'y a jamais eu de rébellion ici à Koufa et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la division et la rébellion. De là le célèbre Qa'qa' ibn Amr, ayant appris que Yazid soulevait le peuple, vint directement avec quelques-uns des siens et avec le sabre à la main à la mosquée. Il vit donc Amr sur la chair en train d'haranguer le peuple, et de l'autre côté Yazid au milieu d'un grand nombre d'émeutiers. Et de là Qa'qa' dit à Yazid, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Mais Yazid n'osa pas répéter ce qu'il avait dit juste avant. Mais il changea ses paroles en disant, nous sommes venus pour nous plaindre de Saïd. Et de là Qa'qa' l'apostropha violemment, vivement, et ainsi que la foule qui se dispersa. Et il leur dit, si vous avez à vous plaindre, il ne faut pas faire des émeutes. Il faut aller à Médine et demander à Othman de vous donner un autre gouverneur. Et après le départ de Qa'qa' ibn Amr, Yazid a commencé à délibérer, à s'entretenir avec son frère. Et il lui a dit qu'il faut que Malik el-Ashtar, un des sept compagnons qui lui n'était pas revenu à Koufa, comme nous l'avions dit, qu'il revienne et qu'il tienne le même langage que Yazid venait de tenir là. Et donc ils ont envoyé un message à ceux qui avaient été députés à Médine, et ils leur dirent, les habitants de Koufa sont avec vous, si Saïd revient, empêchez-le de rentrer dans la ville. Et ils adressèrent aussi une lettre à Malik pour qu'il revienne à Koufa avec eux. Et Malik était le meneur des habitants notables de la ville. Et aussi aussitôt qu'il fut arrivé, il a commencé à réunir autour de lui un parti nombreux, à bâtir une force. Et il a commencé à les mettre en garde en leur disant que Saïd avait porté plainte contre eux auprès de Othman, en disant qu'il fallait employer la rigueur envers ces gens-là qui semaient le trouble, et chasser également ceux qui étaient de basse classe, qui n'étaient pas des notables. Et donc, tous se sont mis d'accord pour ne pas laisser rentrer Saïd dans la ville. Et donc, lorsque Saïd revint à Koufa, donc il y a eu un blocus et les gens ont commencé à l'empêcher de rentrer dans la ville, que ce soit les notables ou bien les gens du peuple. Et donc Saïd, qui n'avait avec lui que 10 esclaves, a eu peur. On lui a commencé à lui dire, retourne, les habitants de la ville ne veulent pas de toi. Et Saïd leur répliqua, mais à quoi bon cette armée? Il fallait envoyer un député à Othman pour lui demander de pas me renvoyer. Et donc là, ils répondirent, nous ne voulons ni de toi, ni de Othman. Et de là, ils dirent à Saïd de renvoyer, ils dirent à Saïd qu'ils disent à Othman de renvoyer Abu Moussa. Et Othman, effectivement, nomma Abu Moussa, gouverneur de Koufa, et adressa aux habitants une lettre qui disait, j'ai appris que vous ne voulez pas recevoir Saïd et que vous lui refusez l'entrée dans la ville. Je vous envoie donc Abu Moussa. Et donc les habitants vinrent au devant de Abu Moussa lorsqu'il fut arrivé et ils lui firent bon accueil. Abu Moussa leur dit donc qu'il était envoyé par Othman. Puis il se rendit à la mosquée, monta sur le mimbar et harangua le peuple en disant aux musulmans, obéissez à votre imam, car j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire, tuez quiconque excite à la révolte. Ensuite, Abu Moussa fit l'éloge de Othman. De là, donc, les habitants reconnaissèrent l'autorité de Othman. Et il lui dit donc, soit nous reconnaissons l'autorité de Othman, soit notre gouverneur. Et là, Abu Moussa, après s'être donc rendu dans sa maison, écrivit à Othman pour lui faire part que tous les habitants de Koufa étaient complètement soumis à son autorité. Sauf que les agents de Othman dans toutes les villes étaient des descendants de Beni Omeya, c'est-à-dire de la tribu et de la famille de Othman. Et quand il relevait l'un d'entre eux de ses fonctions, il le remplaçait toujours par un autre de la même famille. De même que les habitants de Koufa étaient mécontents de Saïd, les habitants d'Égypte se plaignaient aussi de Abdallah ibn Abu Sarh, qui gouvernait en Égypte. Et Othman avait une sœur qui s'appelait Umm Khultoum, qui l'avait donnée en mariage à Amr ibn al-As. Et celui-ci, quand il fut destitué par Othman, Abdallah ibn al-As, qui était gouverneur de l'Égypte, Othman l'avait destitué. Lorsque Othman l'a destitué, Amr ibn al-As répudia Umm Khultoum. Et subhanallah, Othman fut très blessé de ce comportement-là et garda une certaine rancune envers Amr. Pas rancune, mais vous avez compris, un sentiment de déception envers lui. Sa'd ibn Abi Waqqas également avait certaines divergences avec Othman, de même que Ali. Quant à Ali, les choses qui lui déplaisaient et les différents reproches qu'il avait envers Othman, c'était le fait que Othman le tenait éloigné de lui et qu'il ne le consultait pas et ne l'honorait pas, comme l'avait fait Abu Bakr et Omar. Pareil pour Abdallah ibn al-Abbas, qui avait ces mêmes reproches à faire à Othman. Et de manière générale, on reprochait à Othman de tenir éloigné des affaires les compagnons du prophète alayhi salam et d'employer seulement les descendants de Beni Omeya. Et d'avoir sur la vie de Muawiyah envoyé en exil Abu Dar, un des grands sahaba, et d'avoir rappelé Marwan ibn al-Hakam, qui après son apostasie avait été exilé par le prophète alayhi salatu wasalam et d'en avoir fait son vizir. Et quand on sut que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wasalam étaient donc animés par ces reproches-là, commença donc à arriver à Médine de toutes parts des lettres dans lesquelles des plaintes étaient formulées contre Othman. Mais Othman n'a pas pris en compte ces plaintes-là. Et un jour, les gens se sont réunis à la mosquée et après avoir parlé donc de ces actions, de cette conduite de Othman, ils ont voulu lui envoyer une personne pour l'engager à abandonner ces comportements-là. Et sinon, il lui ôterait le califat. Et pour cela, ils ont envoyé Amr ibn Abdullah. Et celui-ci qui s'était rendu auprès de Othman lui dit, le peuple s'est réuni dans la mosquée. On te reproche telle et telle action. Et notamment d'avoir abandonné la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des deux califes. Ô Othman, ajouta-t-il, crains Allah. Subhanallah, Othman, apostrophé de ces paroles-là, lui répondit, comment ose-t-on me dire de craindre Allah? Tu ne connais pas Allah, toi. C'est toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas Allah. Ce à quoi il lui répondit, Amir lui répondit, après ça, Othman convoqua tous ses agents à Médine. Et donc, lorsqu'il fut arrivé, il leur dit, l'autorité échappe de mes mains. Et la rébellion s'est étendue de Koufa à Médine et a envahi tous les esprits. Que me conseillez-vous de faire? Marwan lui dit, ô prince des croyants, ya Emir al-Mini, il faut examiner quels sont les agents qui agissent en mal, et cela, il faut donc les destituer pour donner satisfaction au peuple. Les autres qui étaient présents lui répondirent, si il s'agissait de notre conduite qui était mauvaise, alors on ne se plaindrait pas de Othman. Et effectivement, il dit, vous dites vrai, c'est à moi que les gens en veulent. Alors que dois-je faire? Abdullah ibn Amir, gouverneur de Basra, lui dit, fais comme a fait Omar, qui a constamment occupé le peuple dans les batailles. Quand les gens sont au repos, il leur vient des désirs. Et donc Saïd ibn As, invité à donner son avis, dit, tout ce que dans les villes on appelle les notables et dont on accepte la direction sont aussi les chefs de ces rébellions là. Hein, et ils excitent les autres. Alors il faut que tu brises cela et les autres se disperseront. Et Othman accepta cela. Il dit, effectivement, c'est comme tu dis, c'est vrai, mais je ne peux pas faire ce que tu me conseilles. Et donc Muawiya prit la parole ensuite et dit, borne-toi à maintenir Médine comme je maintiens la Syrie et comme Abdallah et Abu Moussa maintiennent Basra et Koufa. Et Abdallah ibn Abu Sarh, donc qui était gouverneur d'Égypte avant, dit, prince des croyants, les hommes sont tous stupides. Distribue-leur l'argent du trésor public et ils te seront attachés. Quant à Amr ibn al-As, avec qui nous avions dit qu'entre lui et Othman, il y avait certains différends, il parla en disant, ô Othman. Et ensuite, il se reprit en disant, ou plutôt, prince des croyants. Subhanallah. Il n'y a plus personne à Médine parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu n'aies blessé. Subhanallah, il souligne le fait que Othman avait été isolé, ou bien s'était isolé, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam vivant à Médine. Il continua en lui disant, le peuple se plaint de ta tyrannie et de celle de tes agents. Destitue tes agents ou déclare que tu renonces au pouvoir. Alors tu n'auras pas la responsabilité. Mais si tu veux tenter un coup de violence, subhanallah, au nom d'Allah, en plus, en gros, vas-y, fais ce que tu veux. Entre guillemets, il a dit, si tu veux tenter un coup de violence, trois petits points, mais c'est ce que ça voulait dire. Et Othman, subhanallah, répliqua, toi aussi tu es un de ceux qui ont le pouls dans le vêtement. Subhanallah, tu fais partie de ces gens-là. Et donc après ça, le lendemain, Othman dit à ses agents de retourner dans leur gouvernement et d'envoyer les hommes pour mener le djihad dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant de partir, Muawiyah dit à Othman, ô prince des croyants, cette situation se prolonge et je crains de te laisser ici. Tu sais que le peuple de la Syrie est soumis, viens avec moi. Mais Othman répondit, Allah subhanahu wa ta'ala me garde de quitter le lieu où se trouve le tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la maison de la fuite, c'est-à-dire Médine, la maison de la Hijra. Et ensuite Muawiyah se rendit à la mosquée, toujours en costume de voyage, le sabre au cou et l'arc muni de la corde. Ali, Zubayr et Tarha s'y trouvaient et étaient en train de converser entre eux. Ainsi, Muawiya les aborda et leur parla longuement et termina ainsi en leur disant « Je laisse entre vos mains ce vieillard, en parlant de Othman. Ayez soin de lui, comme il convient de l'attendre de votre générosité et de votre sagesse. Car s'il est honoré, vous le serez vous aussi. » Mais en réalité, après le départ de Muawiya, la situation devient encore plus grave. Et un jour, le peuple se réunit à la mosquée, formula donc ses greffes contre Othman. Et un grand nombre de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient présents ce jour-là. On leur dit, vous êtes les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. La situation est devenue intolérable. Si vous ne prenez pas l'affaire en main, l'État périra. Et les autres reprirent, il faut aller trouver Ali. Et donc ils se rendirent auprès de Ali et lui dirent, cet homme excède toutes les limites et ne recule devant rien. Fais-lui donc entendre raison. Et donc Ali alla trouver Othman et lui parla en lui disant que la situation était grave. Le peuple s'est réuni constamment. Et aujourd'hui, on est venu me trouver et on m'a engagé à te faire des représentations à cet égard. Othman lui dit, tu m'as déjà dit ces choses-là, mais je ne sais que faire. Toi, père de l'Hassan, tu es le fils de mon oncle et par cette parenté, tu as droit à une part de mes privilèges. Par conséquent, si tu me protèges, tu auras défendu tes propres droits. D'ailleurs, on ne peut formuler contre moi que ce seul reproche, c'est-à-dire de donner des commandements à mes parents. Ô Ali, je te conjure de me dire si tous ceux que j'ai nommés comme gouverneurs sont pires que Mughira ibn Shu'ba, qui a été nommé par Omar ibn Khattab. Et Ali répliqua en lui disant, Omar avait le pied sur le cou de tous ses agents, tandis que tu leur lâches la bride. Muawiya craignait Arqam, l'esclave de Omar, plus qu'il ne craignait Omar lui-même. Mais toi, tu le laisses faire en Syrie ce qu'il veut. Et tu refuses de recevoir des plaintes. Maintenant, je t'ai averti, fais donc ce que tu voudras. Et donc, après cette discussion, Ali retourna auprès des Sahaba et les informa de la discussion qu'il avait eue avec Othman. Et après ça, Othman fit un serment à la mosquée en disant, ô musulmans, je suis l'émir des croyants et c'est à moi de leur commander. Sachez que toute chose a un mauvais côté. Le mauvais côté des bonnes actions, c'est de susciter des envieux et des détracteurs. Il exhorta ainsi le peuple et ajouta, je n'ai pas pris un denier du trésor public pour moi, tandis que Abou Bakr et Omar faisaient supporter au trésor leur subsistance et celle de leur famille. Et cela est permis au calife. Si l'on dit que je donne des commandements à mes parents, c'est-à-dire aux gens de ma famille, je réponds que Omar a nommé aussi ses parents, c'est les gens de sa famille. Car le chef religieux, le guide, doit avoir le pouvoir de nommer qui il veut. Omar a donné des commandements à des personnes qui ne valaient pas les agents que j'ai nommés. Et vous n'osiez pas parler comme vous faites maintenant, car Omar vous tenait subjugué et il vous foulait sous son pied. Mais moi, je vous traite avec douceur et je plaisante avec vous. C'est pour cela que vous êtes devenus hardis envers moi. Par Allah, je suis plus haut et plus grand que Omar et personne n'égale ma noblesse. Et cependant, je laisse faire en gardant le silence et en usant de douceur. Maintenant, cessez de me faire parvenir ces plaintes. Et après avoir dit ce discours-là, Othman descendit du mimbar, au pied de laquelle se tenait Marwan. Et Marwan s'écria, si vous voulez, laissons le sabre décider. Subhanallah. Après ce discours-là, il défie la foule. Et Othman lui répondit, ne t'ai-je pas ordonné de te taire quand je parle? Et après cela, Othman sortit de la mosquée et rentra chez lui et le peuple se dispersa. Et en cette même année, Othman accomplit le pèlerinage à la Mecque. Tous ses agents s'y trouvaient. Et il n'y eut de plainte contre aucun d'eux. Othman s'en réjouit. Puis l'année d'après, Abdallah ibn Ibn Saba proclama la doctrine du chiisme, le Shia. Et un grand nombre de personnes acceptèrent cette croyance-là. Ce qui fut l'étincelle qui alluma la flamme des révoltes contre l'autorité de Othman radiallahu ta'ala anhu. ونكتفي على القدر وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.